Bonsoir tout le monde, et oui, on est le premier jeudi du mois, donc aujourd'hui c'est la pochette, mais contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous présenter un album, ou pas vraiment, je vais vous présenter un artiste qui a sorti quelques chansons, voilà, à droite à gauche, depuis 2 ans, on va regrouper tout ça en un seul album, en 7 chansons exactement. On va appeler ça l'intégrale. Cet artiste, c'est Kabek. J'espère que je le prononce bien. Donc, c'est un rappeur qui chante en gascon. Il vient d'Oloron. Et comme je vous le disais, il a sorti quelques chansons. 7 chansons pour l'instant sur YouTube. Et pour l'instant, uniquement sur YouTube, sur les 2 dernières années. La première chanson, elle est sortie il y a quasiment 2 ans, le 9 septembre 2021. Et la dernière, elle est sortie il y a à peu près 2 semaines. Voilà, sur ces 7 chansons, il y a des choses assez différentes. Alors, moi, je dois bien avouer que je ne m'y connais pas beaucoup en rap, mais on peut le voir, de toute façon il explique lui-même qu'il a commencé avec le rap, qu'il fait un peu de trap, de la drill, des choses comme ça, le tout avec plusieurs amis. On peut noter Zifsi, qui est donc compositeur, Arnaud Belliot, compositeur aussi, et Napco. Voilà, c'est assez avec ces trois-là surtout qu'il va composer, ou peut-être qu'ils vont composer pour lui des instrumentales sur lesquelles après il va aller poser ses textes. À noter que Zifsi, en plus d'être compositeur, est aussi au mixage et au mastering de ses chansons, donc de ses 7 chansons. On a pu le voir par-ci par-là. Alors il est d'Oloron, je le disais, on l'a vu derrière moi au Pays Basque au festival Hitsight à Mauléon. Voilà, c'est quelqu'un d'assez présent sur les réseaux. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis il a même un site internet, kabek.fr. Alors Kabek, ça s'écrit K, simplement la lettre K, B-E-K. Voilà, et il fait du rap. J'ai l'impression qu'il parle beaucoup de ces endroits très de la nature qui l'entoure, mais d'une façon assez noire. Peut-être que je me trompe, peut-être je ne parle pas gascon. Cela dit, si vous non plus vous ne parlez pas gascon mais que vous voulez comprendre, parce que c'est vrai que dans le rap c'est comme ça qui est un peu important, allez sur YouTube. Donc c'est là, je vous disais, que vous allez retrouver ces chansons et aussi quelques autres vidéos de lui en live. Mais sur les chansons sur YouTube, il y a non seulement dans la description, vous retrouverez toutes les paroles de la chanson, mais si vous cherchez, alors il faut aller dans les paramètres, vous cherchez traduction ou sous-titres, etc. Et généralement, il y a les sous-titres en français, en gascon et en anglais, en espagnol peut-être aussi, je ne suis pas sûr. Sur la première chanson, il avait aussi sous-titré le titre de sa chanson par les traductions en anglais, en espagnol et en basque aussi, et ça fait toujours plaisir. Et voilà de quoi faire une petite découverte rap. Il y a des choses assez différentes à se mettre sous le dent avec les 7 chansons que vous allez écouter. Un petit message aussi pour lui, si jamais il écoute cette émission, on sera ravis, nous aussi, à Radio Culture, de le recevoir pour, pourquoi pas, pour une émission de silence. Mais ça, on verra un peu plus tard. On est un peu booké pour l'instant. Je vais le contacter moi-même, vous verrez. Et donc, peut-être qu'un jour, on aura un rappeur gascon dans Silence sur Radio No Culture. Ça ferait plaisir. Ça changerait un peu. C'est vrai. Si vous avez pensé ça, vous avez bien raison. Un petit message pour Mathilde aussi, si jamais elle écoute, pour la remercier. Celle qui m'a proposé Kabek et qui m'a donné une liste gigantesque de groupes gascons de différents styles, allant de la folk au métal. Voilà, c'est une liste assez gigantesque. Si jamais vous voulez cette liste, n'hésitez pas à nous écrire à radionoculture@gmail.com. Voilà, merci Mathilde, merci Baptiste aussi, chanteur de Boisson Divine, qui apparemment l'a aidé à faire cette liste. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Kabek, K-B-E-K, vous retrouvez toutes ces chansons et bien plus sur YouTube. N'hésitez pas aussi à le suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Il est assez présent. Il y a des petites vidéos de concerts, des petits trucs. Il partage pas mal de trucs. Son site internet, kabek.fr aussi, qui est assez fourni. Il y a plusieurs. Il y a une page principale qui va vous expliquer la genèse du projet, et puis des petits détails sur certaines chansons. Et puis notre feed d'actu, où c'est peut-être un peu plus précis encore. Voilà, moi je vous laisse sur ces 7 chansons-là et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera le 2e jeudi du mois. Donc on va aller sur la boîte à gants avec peut-être de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux bénévoles qui vont venir avec nous parler de ce qu'ils ont aimé. Voilà, c'est pas encore établi exactement qui sera là, mais vous allez bien voir en écoutant la semaine prochaine. Moi je vous laisse sur ça, je vous rappelle radionoculture@gmail.com pour nous écrire, radionoculture.wordpress.com pour écouter ou réécouter toutes nos émissions, écouter la radio en direct aussi. On a une playlist Spotify aussi qui va bientôt taper dans les 7h30 de chansons, presque une centaine de chansons. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Il y a un peu de tout, du basque, du français, de l'anglais, de l'espagnol, du gascon, de la folk, du métal. Il y a vraiment, vraiment tout ce que vous voulez. Et voilà, bon, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette petite chronique et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Intera gluji u skorpicu svoj Berba buta di ziladus ke kuri ke kriš Robisto di serbi ke sriga u tiš Et mustre Et amica ku neši in serbi ke bit Ki sa serku sa presu de tutti bitit Suri de de burtix it postetos Lisendos E ku et serbi ke hui En suka se rapu ke sli Nubit passer amistad ket probi mustro bom sha I kul serbi ke hui En suko se rapu ke slis Nubit passer amistad ket probi mustro bom sha I kul e mustre be hui En suko e chakri ke slis Du kun prit basker amistad Apas de parlasi o refuzado be kul E mustre be hui En suko e chakri ke slis Du kun prit basker amistad Apas de parlasi o refuzado Mustre Mostre, mostre, e mostre Intera gluius che frette su svelci Per babutta di sillados che pure si guescio E di cozza caro che benti che brumesci Chirin E mostre Che scupo era salo si rastens Che parta pais di certi se sai sens Che sapeglio tut cu mezze zuri dent Gori estiu, intensi iver E ser es la cual incubalion esper Que jogan amaso tu tío Y perros atados que pasan Agori estiu, intensi iver E ser es la cual incubalion esper Con io y urpo mau tallado Y xer su servi per accident Y malice servis que atacan Es fuscos de hainos empleo Tu piden paso que trae su Con llave pasa tu intensu Y malice servis que atacan Es fuscos de hainos empleo Tu piden paso que trae su Con llave pasa tu intensu Me cur, e buste be hui E suga e chagri que slei Que sin bom mes que te jato Tarta de mandaus de perdo ao Que cur, e buste be hui E suga e chagri que slei Que sin bom mes que te jato Tarta de mandaus de perdo ao E mostre Entera glui us que esprau e joelch Per babuta de usis lados que puri sufresh E su copre da regrets que escun si mesh A regrets ardents E mostre A huns de vero tutto que se stio Se ne zenco era su letat que pio A ruga ya per as penos que smuresh Kin monstre Monster.